Section 30 de l'histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Formation des grands États, 1270-1492. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rimbaud. Chapitre 7. L'Angleterre de 1272 à 1485. Première partie. Édouard Ier et Édouard II. L'unité anglaise et le Parlement par Charles Biémont. Édouard Ier. Né le 18 juin 1239, Édouard Ier avait passé 33 ans à la mort de son père Henri III. Il était dans toute la force de l'âge, très haut de taille, avec de longs bras nerveux et des jambes démesurées. Cavalier intrépide, il s'adonnait avec passion aux exercices du corps, à la chasse, aux tournois, aux durs chevauchées militaires. Il vivait simplement, sans parcimonie et sans prodigalité. Il aimait les siens et chérissait tendrement sa femme, Léonore de Castille, qui ne lui donna pas moins de 13 enfants. Quand elle mourut, en 1290, il en éprouva un violent chagrin et voulut consacrer sa mémoire par des durables monuments. Des croix de pierre, richement sculptées, furent dressées aux endroits où avait reposé le corps de la reine quand on le ramena à Westminster. Ce sont presque les seules dépenses de luxe qu'il ordonna. Il était pieux, sans bigoterie, à la fois violent et réfléchi, avec un caractère loyal. Il avait l'intelligence subtile et captieuse, comme son aïeul Henri II, auquel il ressemblait à tant d'égards, excepté par les mœurs. Il savait voir et vouloir. Comme lui, il aimait à s'entourer des légistes. Modéré dans la victoire, il allait volontiers jusqu'à l'extrême limite de son droit. Il avait eu le temps de se former au gouvernement durant le règne de son père, investi dès l'enfance du gouvernement de la Gascogne. Il en prit effectivement possession en 1254. Il venait de se marier et il avait 15 ans. Il y passa une année entière, 1255, laborieusement employé à combattre les seigneurs et les villes rebelles ou à négocier avec eux. Il y fit preuve de tact et de fermeté. Comte palatin de Chester, il administra directement et presque en souverain cette partie de l'Angleterre, que le voisinage de Gallois indépendants et des turbulents barons de la marche galloise rendait périlleuse à diriger. Dans la guerre civile, 1258-1265, après avoir paru incliné un moment vers son oncle Leicester, il avait pris résolument parti contre lui. La victoire d'Evesham fut son œuvre, mais de même qu'il apprit la tactique en voyant à l'œuvre Simon de Montfort, il emprunta au chef de révolté vaincu par lui des idées de gouvernement qu'il sut féconder. Il était de ces chefs d'État que forment les révolutions. Caractère de son gouvernement. Il était à la croisade en Palestine quand son père mourut et en Italie, à Capoue, quand il apprit qu'il était roi. Fait significatif, son règne commença aussitôt, avant même le couronnement, pour la première fois depuis la conquête. Il n'y eut pas d'entre-règne, et l'absence du roi put se prolonger sans trouble. Édouard, en effet, revint à petite journée. Il alla d'abord à Paris pour prêter le serment d'hommage qu'en vertu du traité de 1259, il devait à son nouveau suzerain, Philippe III. Puis il se rendit en Guyenne. Là, il montra comment il entendait gouverner. Si contre des vassaux insubordonnés, comme Gaston de Béarn, il agit avec rigueur, le plus souvent il préféra suivre les voies légales. Il ordonna d'ouvrir une vaste enquête. Tous ceux qui à un titre quelconque dépendaient de lui, ses vassaux et les bourgeois de ses bonnes villes, les propriétaires d'alleux et les détenteurs de fiefs, furent sommés de venir déclarer par serment devant ses officiers quelles étaient la nature et l'étendue de leurs obligations féodales. Le résultat de ces dépositions dûment contrôlées fut consigné sur des registres, Recognitiones Feodorum, dont un seul malheureusement est parvenu jusqu'à nous. Alors le pays devint tranquille. On n'osa guère se risquer contre un roi juste et fort. Il agit de même en Angleterre après son retour et son couronnement, le 19 août 1274. L'ordre matériel y avait été maintenu, mais de toutes parts, on se plaignait des officiers royaux, des shérifs surtout. D'un autre côté, les gens de l'échiquier se lamentaient sur l'état du domaine royal, fort appauvri par des empiétements, des aliénations illégales. Dans des pareilles circonstances, Henri II et Henri III avaient envoyé des juges itinérants pour recevoir les plaintes et au besoin pour y faire droit sur le champ. Mais ces juges précisément s'étaient rendus coupables d'exactions pendant les dernières années de Henri III. Édouard Ier en suspendit donc les tournées et chargea le 11 octobre 1274 une commission spéciale de procéder dans tout le royaume à une enquête rigoureuse sur 47 articles déterminés. Devant ces enquêteurs, comme à l'ordinaire, devant les juges itinérants, les délégués des centaines vint déclarer, par exemple, quels domaines étaient alors aux mains du roi, quels, au contraire, étaient tenus en fief, et en vertu de quel titre, quo warranto. Comment et quand des fiefs, dans la mouvance du roi, étaient devenus des arrière-fiefs, comment et dans quelles limites étaient exercés les droits de pêche et de chasse, quels services personnels, quelles redevances pécuniaires le roi devait réclamer de ses vassaux, des villes, des paysans de la couronne. D'aucuns trouvèrent offensante cette curiosité, légitime pourtant et exercée dans les formes accoutumées. Le comte de Varennes, ou de Warren, interrogé sur certains fiefs qu'il possédait, répondit fièrement que son seul garant était son épée. On ne s'émut point de ces rodomontades, loin de là. Le statut de Gloucester, 1278, réglementa la procédure à suivre dans ces enquêtes de quo warranto, qui, poursuivies pendant plus de 20 ans avec une implacable régularité, provoquèrent des murmures de chansons satiriques, presque des révoltes. Sur ses droits, le roi était inflexible, la société de son temps étant basée essentiellement sur des rapports personnels. C'est en précisant ses rapports avec tout l'appareil juridique, en imposant à tous ses sujets le devoir d'acquitter strictement les obligations dont ils étaient tenus envers lui, qu'il se proposait de restaurer le pouvoir absolu ébranlé pendant le précédent règne. Il trouvait la nation unie devant lui. Il voulut la dominer en la forçant de le servir. Son règne se divise assez naturellement en deux parties, de longueur presque égale. Les 20 premières années ont été prospères à tous les points de vue et constituent une des périodes les plus fécondes de toute l'histoire d'Angleterre. Là, vraiment, Édouard Ier fut un grand roi et un prince heureux. Dans les 15 dernières années, au contraire, des complications imprévues et des fautes graves jetèrent le désordre dans les esprits, compromirent la sécurité de l'Angleterre et préparèrent les désastres du règne suivant. Législation d'Édouard Ier. Édouard Ier fut un grand législateur comme Saint-Louis, son oncle, comme Alphonse le Sage de Castille, son beau-frère, et plus qu'eux peut-être. Il fut secondé par ses légistes, Francisco Accursi, fils du célèbre glossateur de Bologne, Raoul de Ingham et Briton, qui furent grands juges, Robert Burnel, qui fut chancelier. Il prit en outre l'avis de son parlement. Ses statuts ont déjà le caractère de nos lois modernes, que les ordonnances de Saint-Louis, par exemple, n'ont pas. Mais son action personnelle et directe a été considérable. C'est ce que voulut marquer l'auteur du traité sur les lois anglaises qu'on attribue à Briton en mettant son livre entier dans la bouche du roi et en l'écrivant en français. Sa législation ne s'inspira d'ailleurs ni des principes ni de l'esprit de la loi romaine. Les traités où elle est exposée, la fléta, Briton qui en dérive, les additions de Ingram procèdent de Bracton et développent les règles de la loi commune. On a parfois appelé Édouard Ier le Justinien anglais. Mais il est aussi impossible d'établir une comparaison entre l'œuvre de ces deux souverains qu'entre leur caractère. La loi anglaise n'est pas la raison écrite. C'est la coutume avec son incohérente et infinie mobilité. Édouard commença de légiférer dès son retour en Angleterre. En 1275, fut promulgué le premier statut de Westminster, qui fixait un grand nombre de points du droit civil. En 1276, le statut de Bigamis. En 1278, celui de Gloucester, qui eut pour but, on l'a vu, de limiter en les précisant les franchises des barons. Par contre, le statut de religiosis ou des biens de main morte, 1279, interdit aux membres du clergé d'acquérir des terres qui, devenant biens de main morte, ne pouvaient plus rapporter au suzerain les profits ordinaires de la mouvance féodale, ni contribuer à la défense du royaume par la prestation du service militaire. En 1283, le statut d'Acton Burnel facilita aux marchands le moyen de recouvrer leurs créances. En 1284, celui de Rutland réorganisa l'échiquier. En 1285, parurent deux des plus importantes lois du règne, le deuxième statut de Westminster, qui introduisit un nouveau mode d'acquisition de terres nobles et qui régularisa la tenue des assises dans les comtés par l'institution des cours de Nisi Prius, et celui de Winchester, qui fut à la fois une ordonnance de police contre les voleurs et les assassins et une loi sur la milice. Pour tenir les malfaiteurs en respect, on remit en vigueur une vieille assise de Henri II, qui obligeait chaque homme jouissant d'un certain revenu à s'équiper à ses frais et en raison de sa fortune. Deux fois l'an, on devait passer la revue de ses armes qui, un demi-siècle plus tard, serviront avec succès dans les guerres de France. En 1290, le troisième statut de Westminster, autrement dit, Quia Emptores, réserva les droits du seigneur dominant en cas de sous-inféodation. En achetant une terre, on ne devenait pas le vassal du seigneur qui l'avait vendu. On restait le vassal du suzerain. Ce statut complétait, en un sens, celui des biens de main morte. Il entravait le morcellement excessif de la propriété féodale, comme celui-ci en arrêtait l'amoindrissement. Ils étaient tout à l'avantage des seigneurs laïcs et en particulier du premier d'entre eux, du roi. La même année, Édouard frappa les Juifs. Au XIIe siècle, les Juifs avaient été persécutés en Angleterre, comme partout ailleurs sur le continent. Puis, leurs conditions s'étaient régularisées. Ils étaient même devenus une source permanente de revenus pour la royauté, si bien qu'il y eut à Westminster un échiquier des Juifs. Mais à cette époque, l'industrie de la laine et le commerce maritime commençaient à prendre l'essor. Plus d'un marchand se vit à la merci des banquiers juifs, qui se rendirent odieux au peuple. Édouard Ier, chrétien sincère, prononça leur expulsion irrévocable en 1290, avec le sentiment de l'équité qui l'animait. Il voulut qu'on les laissât partir avec leurs biens, mais ses ordres ne furent pas suivis et les malheureux bannis eurent à souffrir des cruelles persécutions avant d'arriver en France. Leur place fut prise aussitôt par des banquiers italiens. Pour combler le vide que le départ des Juifs creusa dans le trésor, Édouard demanda au Parlement en 15e, que le clergé paya en murmurant. Cette activité législative fut ralentie par les luttes contre les Gallois, par un long séjour du roi en Guyenne, et suspendue par les guerres, où il se trouva entraîné dans la seconde moitié de son règne. Conquête de la principauté de Galles. À aucun moment de leur histoire, les Gallois n'ont formé un corps de nation, tel que les décrit à la fin du XIIe siècle leur compatriote Giraud de Barry, ils en étaient restés à ce degré de civilisation où les individus restent groupés en familles ou clans, où la nation de l'État n'est pas née. Leur dissension intestine avait facilité l'établissement des Anglais dans les régions du sud et de l'ouest. Au nord, l'ancien royaume de Gwynedd, avec sa capitale, Aberfraw, résista plus longtemps. Ses princes, Llewellyn, 1194-1240, le fils de celui-ci, David, 1240-1246, et son petit-fils, Llewellyn, fils de Gruffydd, 1246-1282, surent mettre à profit les guerres civiles qui affaiblirent la royauté anglaise sous Jean et sous Henri III pour s'étendre vers le sud. À la mort de Henri III, Llywelyn, l'ancien allié de Simon de Montfort, refusa l'hommage au nouveau roi et il le provoqua en contractant mariage avec la fille du vaincu des Vechamps. Ces menées étaient surveillées de près par la vigilante police d'Édouard Ier. La fiancée du prince gallois, arrêtée en mer avant qu'elle eût pu le rejoindre, fut maintenue sous bonne garde jusqu'au jour où il consentit à faire sa soumission, en 1277. 5 ans plus tard, il se souleva de nouveau à l'instigation de son frère David. Cette fois, Édouard résolut d'en finir. Pour cette guerre populaire, ses sujets lui donnèrent tout ce qu'il demanda. L'archevêque de Cantorbéry excommunia les révoltés. Les différents états du royaume votèrent de subsides considérables. Une grosse armée s'est réunie à Shrewsbury, où le roi établit son quartier général et ses cours de justice. L'affaire fut menée vite et bien, malgré les difficultés de toute nature que rencontrèrent les Anglais dans un pays pauvre, montagneux et sans route. Llywelyn, surpris dans une reconnaissance, fut tué en décembre 1282. Son frère David, livré par un des siens, fut condamné à mort comme traître et écartelé en octobre 1283. Quand l'année suivante, Édouard eut donné un brillant tournoi, une table ronde, comme on disait alors au cœur même du pays conquis, à Snowdon, quand on eut retrouvé et remis au roi d'Angleterre la couronne du roi breton Arthur, l'indépendance de la principauté sembla perdue à jamais. Édouard ne quitta pas le pays avant de lui avoir donné une organisation nouvelle, Statutum Walliae, en 1284. Le territoire fut divisé en comtés. On y introduisit des shérifs, des cours de comté, des coronaires, de baillis, la législation, le régime fiscal des Anglais. Des villes neuves furent bâties, où l'élément anglais domina sans partage, tandis que d'imposantes forteresses furent construites pour tenir les vaincus en respect. C'est dans un de ces châteaux, à Carnarvon, que naquit le futur Édouard II. Pour gagner le cœur des Gallois, son père lui fit donner une nourrice galloise, des serviteurs gallois. Il fit même revivre pour lui, en 1301, le titre de prince de Galles, que porta désormais l'héritier présomptif de la couronne. Il avouait par là que l'annexion du pays de Galles à l'Angleterre était encore prématurée. Elle ne fut accomplie en effet que sous Henri VIII. La Guyenne et le Ponthieu, politique continentale. Édouard passa dans son duché de Guyenne les années 1286-1289. Il n'avait pas attendu jusque-là pour s'occuper des affaires continentales. Les projets de Charles d'Anjou en Provence et en Sicile, l'appui que Philippe le Hardi leur donnait, les menées de Marguerite de Provence, veuve de Saint-Louis, et d'Aliénor, mère d'Édouard Ier, pour reconstituer le royaume d'Arles et l'opposer à la politique d'expansion des maisons de France et d'Anjou, l'avait engagé dans des intrigues diplomatiques nouées autour de Rodolphe de Habsbourg et de son fils. Plus près de lui, sur les Pyrénées, la succession de la Navarre l'avait pour un moment brouillé avec la Castille, mais il ne s'était laissé compromettre dans aucune de ses affaires. Il n'intervint dans la guerre d'Aragon que pour jouer le rôle d'arbitre entre les rois belligérants. Il s'efforça surtout de vivre en bon terme avec la France. Il ne lui demandait que l'application loyale et intégrale du traité de Paris et réussit à obtenir la restitution de la Genève, l'année même où du chef de sa femme, il héritait du Ponthieu en 1279. Dans son duché de Guyenne, il donna tous ses soins à l'administration intérieure, au commerce, à l'entretien des routes fluviales. Il créa de nombreuses villes neuves ou bastides, qui étaient à la fois des marchés et des lieux fortifiés. Les privilèges qu'il leur accorda eurent pour but d'augmenter les ressources financières du duché et d'en assurer la sécurité intérieure, mais ne leur conférèrent pas des droits politiques. Il craignait l'insubordination des bourgeoisies communales. Déjà en 1261, il avait repris à Bordeaux et à Bayonne le droit de nommer leur mère. Il le garda pendant la plus grande partie de son règne. En Gascogne comme en Angleterre, il prétendait gouverner seul. La succession d'Écosse, les prétendants. Édouard Ier était à peine revenu dans son royaume que s'ouvrit la succession d'Écosse. Depuis qu'il était entré en contact avec la civilisation supérieure des Anglo-Normands, ce pays s'était rapidement développé. Pendant les règnes de David Ier, 1124-1153, de Malcolm IV, 1153-1165, de Guillaume le Lion, 1165-1214, le régime féodal s'y était solidement implanté, adoucissant ce qu'avait de sauvage le régime de clan. L'organisation religieuse s'était fixée en même temps que l'indépendance de l'Église était assurée par une bulle qui annulait les prétentions des archevêques du York sur les évêchés écossais et les rattachait directement au Saint-Siège en 1188. Des villes s'étaient formées, favorisées par d'opportuns privilèges municipaux et économiques. En même temps, le royaume recevait ses limites définitives par la soumission du comté d'Argyll, l'annexion de Galloway et la détermination de la frontière anglo-écossaise. Ce dernier point fut acquis seulement au XIIIe siècle, pendant la longue période de paix qui rendit si prospères les règnes d'Alexandre II, 1214-1249, et d'Alexandre III, 1249-1286. Mais une question plus grave resta en suspens, celle de rapports féodaux entre les deux royaumes voisins. Les rois d'Angleterre élevaient d'antiques prétentions qui remontaient au roi saxon, à Édouard, fils d'Alfred, qui avait régné sur toute la Northumbrie et par conséquent sur les basses terres d'Écosse. Mais il y avait plus. Quand le conquérant envahit l'Écosse en 1072, il contraignit Malcolm III à le reconnaître pour suzerain. Et il fut désormais établi dans la chancellerie anglaise que cette suzeraineté était universelle et non limitée à telle ou telle province. Après la victoire d'Alnwick, Henri II obligea Guillaume le Lion à subir cette suzeraineté universelle, mais Richard Ier y renonça. La question se posa de nouveau quand Alexandre III fut mort en 1286. Il n'avait d'autre héritier que sa petite-fille Marguerite, une enfant qui vivait auprès de son père, le roi de Norvège. Édouard Ier demanda pour son fils aîné la main de la jeune princesse. Une telle union eût été le meilleur moyen de couper court aux convoitises déjà déclarées des chefs de la noblesse. Elle fut approuvée par les États écossais en juillet 1290. Mais la Vierge de Norvège mourut dans le navire même qui la ramenait en Écosse. Et avec elle s'éteignit la dynastie issue des Kenneth MacAlpine. Un grand nombre de prétendants, parents plus ou moins éloignés des derniers rois, revendiquèrent alors cette succession vacante. Une sanglante anarchie pouvait sortir de là. Pour la prévenir, les régents d'Écosse demandèrent l'arbitrage du roi d'Angleterre, dont la sagesse dans le différend entre les Aragonais et les princes angevins avait été louée. Édouard accepta et réunit une assemblée des grands des deux royaumes à Northam, sur la frontière. Il y vint lui-même avec son chef juge, Roger Brabazon, ses légistes et des moines qui lui apportèrent les chroniques de leur monastère. Il obligea tout d'abord les Écossais à reconnaître ses droits de suzeraineté, se fit livrer les places fortes et parcourut le pays pour recevoir l'hommage de ses nouveaux sujets. Cependant, un tribunal assemblé à Berwick, ville alors écossaise, instruisait laborieusement ce procès dont le sort du royaume était l'enjeu. Le roi put enfin rendre sa sentence, le 17 novembre 1292. Le débat s'était circonscrit entre les descendants des trois filles de David, comte de Huntingdon, frère de Guillaume le Lion. Édouard écarta d'abord les prétentions d'un d'eux qui demandait le partage égal de la succession entre les co-héritiers. Il déclara la couronne d'Écosse indivisible, puis désigna comme roi Jean de Balliol, John Balliol, petit-fils de la fille aînée, de préférence à Robert Bruce, fils de la fille cadette, John Balliol fut couronné à Scone, sans opposition. Le premier acte de son règne fut de prêter hommage au roi d'Angleterre. Ce n'était pas là une comédie juridique. Rien ne prouve qu'Édouard ne fut pas convaincu de son bon droit, et il était naturel qu'il voulût le faire triompher. Mais les circonstances allaient bientôt le pousser à en tirer des conséquences excessives. Conquête de l'Écosse. Ce n'est pas ici le lieu d'exposer les rapports d'Édouard Ier avec Philippe le Bel, ni les causes de la guerre qui éclata en 1294 entre la France et l'Angleterre. Bientôt, Édouard Ier se trouva dans un cruel embarras. Un terrible soulèvement de Gallois éclata en même temps. Il ne put être réprimé qu'après une pénible campagne d'hiver, 1294-1295. À leur tour, les Écossais prirent les armes. Les barons étaient irrités de l'hommage imposé à leur roi et de la soumission avec laquelle celui-ci remplissait ses obligations. En 1295, ils organisèrent une cour de 12 pairs, à l'image de celle de France, pour contrôler l'autorité royale et firent alliance avec Philippe le Bel, alliance qui devait durer 3 siècles, parce qu'elle était fondée sur les intérêts semblables et permanents de la France et de l'Écosse. Édouard mena en personne une armée contre l'ennemi. À une attaque de vive force contre Carlisle, il répondit en enlevant d'assaut Berwick, que fut depuis la sentinelle avancée de l'Angleterre du côté de l'Écosse. Un étrange message vint le trouver dans sa récente conquête. Balliol renonçait à son hommage et trahissait son suzerain. « A-t-il vraiment fait cette folie ?» demanda le roi. Il marcha aussitôt contre ceux qu'il considérait maintenant comme des rebelles et qu'il se proposait de punir, suivant la rigueur du droit féodal. Il les rencontra et les mit en déroute, non loin de Dunbar, 27 avril 1296. Cette seule victoire le rendit maître du pays. Il entra dans Édimbourg, dans Stirling, dans Perth, où Balliol vint faire sa soumission, s'avouant coupable de félonie et abandonnant tout, sa propre liberté et l'indépendance de ses sujets. Il pénétra dans les hautes terres jusqu'à Elgin, non loin d'Inverness. Il ne rencontra partout que de promesses de fidélité. Ne pouvait-il point se croire en fait, aussi bien qu'en droit, le maître du pays? Il voulut en rapporter avec lui le signe visible. Il prit Scone, près de Perth, la pierre sur laquelle les rois d'Écosse ceignaient d'ordinaire la couronne, et où, disait-on, le patriarche Jacob avait reposé sa tête dans cette nuit où une vision lui ouvrit le ciel et lui montra l'avenir. Cette pierre et les ornements royaux furent transportés à Westminster, où ils restèrent jusqu'au XVIIe siècle. L'Écosse sembla n'être plus qu'une dépendance de l'Angleterre. Soulèvement des Écossais, Wallace et Bruce. C'était une illusion. La tyrannie des agents royaux fit de nombreux mécontents et des proscrits, que souleva William Wallace. C'était un noble Écossais d'origine galloise, que sa taille gigantesque, son courage héroïque, sa résolution inébranlable rendirent sur le champ populaire. Les Anglais, surpris, battus près de Stirling, durent évacuer le pays en toute hâte, en 1297. Édouard prit alors pour la seconde fois la route du nord, parvint sans combat jusqu'à Édimbourg et rencontra l'ennemi campé à Falkirk. Là fut livrée le 22 juillet 1298 une bataille fameuse dans l'histoire militaire. Pour résister au choc de la pesante cavalerie des Anglais, Wallace, dont l'armée ne comptait guère que des fantassins, avait rangé ceux-ci en carré défendu par des longues piques et des palissades. Les cavaliers étaient en réserve. C'est la tactique des armées modernes, de Courtrai à Waterloo. De son côté, Édouard avait adjoint à ses chevaliers des archers armés des grands arcs, dont la flèche tirée à la hauteur de l'œil frappait le but avec une justesse que l'ancienne arbalète ne pouvait donner et avec une force de pénétration que perçaient les meilleures armures. C'est l'arme qui donna aux Anglais leur plus brillante victoire pendant la guerre de Cent Ans. Elle assura leur triomphe à Falkirk. Les carrés écossais tinrent inébranlés contre les charges de l'ennemi, mais les archers y firent des brèches, où la cavalerie passa et prit sa revanche. Les Écossais s'enfuirent et Wallace disparut. Ce grand succès demeura stérile. Édouard avait trop d'ennemis sur le bras. À la fois en Gascogne, où son frère Edmond avait trouvé la mort, et en Flandre, où il avait mené lui-même une expédition inutile. Le pape, enfin, lui suscitait des embarras en prétendant que l'Écosse était un fief du Saint-Siège et en sommant Édouard de cesser la guerre. Mais les barons anglais protestèrent avec une menaçante unanimité contre cette intervention du pape dans des affaires temporelles. Puis, Boniface VIII mourut en 1303. Et la même année, Édouard obtint de Philippe le Bel, le vaincu de Courtrai, la restitution de la Gascogne et l'abandon des Écossais. Alors il put entreprendre sérieusement la conquête de l'Écosse. En 1304, il prit Stirling après un siège mémorable. En 1305, il réussit à s'emparer de Wallace qui expia son héroïsme dans un horrible supplice. Il fut traîné à la queue d'un cheval jusqu'au lieu de l'exécution. Là, on lui arracha les entrailles et les yeux. Puis il fut décapité et son corps écartelé. Édouard voulut alors, comme il l'avait fait en Galles, donner au pays conquis une administration particulière, imitée de celle d'Angleterre, et promulgua la grande ordonnance pour le gouvernement de l'Écosse. Mais il avait compté sans l'obstination de ses nouveaux sujets. La conquête anglaise avait eu pour eux les mêmes résultats que pour les anglo-saxons, la conquête normande. Paysans anglais de basse terre du sud, Gaëls du nord-est, Bretons du sud-ouest, ce qui persistait encore, les mœurs et la langue celtique, tous sous le poids de l'occupation étrangère, sentirent qu'ils formaient un seul peuple. Ce peuple avait froidement accueilli le second soulèvement de Wallace, mais il se souleva lui-même lorsque Robert Bruce, petit-fils du prétendant au trône, quitta la cour d'Édouard Ier et vint se faire couronner à Scone, le 25 mars 1306. Sans doute le nouveau roi fut battu, dépouillé de ses états, chassé dans les îles du Nord. Mais la mort de son vainqueur en 1307 lui rendit l'avantage. L'unité politique et l'indépendance nationale de l'Écosse furent les fruits de cette longue guerre, et le dessein formé par Édouard Ier de constituer un royaume de Grande-Bretagne fut ajourné à 3 siècles. Les difficultés intérieures, non moins que la complication de la politique continentale, avaient conduit à cet insuccès. Conflit avec la noblesse et le clergé. Le Parlement de 1295. C'est la question d'argent qui souleva le conflit. Les guerres de Galles, d'Écosse, de Guyenne avaient coûté fort cher et à plusieurs reprises, les barons, le clergé, avaient été invités à s'imposer pour faire face aux dépenses de la royauté. En 1294, le roi s'était adressé au clergé, assemblé dans la personne de ses députés, puis à la noblesse, barons et chevaliers des comtés, siégeant ensemble. L'année suivante, un grand effort étant nécessaire, Édouard fit comme son oncle Simon de Montfort. Il convoqua un parlement où la nation entière était représentée. Mais tandis que le parlement de 1265 avait été dans l'esprit même du comte Leicester une mesure exceptionnelle, celui de 1295 devint le modèle des parlements futurs. C'est donc un moment capital et, comme on dit, un point tournant dans l'histoire des institutions anglaises. Au début du XIIIe siècle, les parlements avaient été composés uniquement des barons ecclésiastiques et laïcs, convoqués individuellement et tenus d'y paraître en personne. Maintenant, à côté d'eux, on appela aussi les députés du clergé inférieur, de la petite noblesse, des comtés et des villes. Ce changement fut opéré par une lente évolution, commence au moins sous Jean Santerre. Le clergé inférieur prenait régulièrement part aux conciles provinciaux par ses représentants élus. Peu à peu, il fut également représenté dans le Parlement. En 1212, les chapitres députèrent leur doyen. En 1295, Édouard appela le doyen, le prieur et les archidiacres des églises cathédrales en délégués élus par le chapitre, deux délégués élus par le clergé de chaque diocèse. Les communes comprenaient un double élément, les députés des comtés et ceux de ville désignés par le souverain. En 1213, les shérifs avaient reçu l'ordre d'envoyer au roi quatre discrètes personnes pour délibérer avec lui sur les affaires du royaume. Deux chevaliers représentèrent chaque comté en 1254 et en 1265. 4. En 1273. La représentation des villes marcha d'un pas égal avec celle des comtés. En 1213, quatre hommes et le maire, Reeve, de chaque township du domaine royal furent appelés à Saint-Alban pour estimer l'indemnité due au clergé maltraité pendant le Grand Interdit. Simon de Montfort ordonna au shérif d'envoyer deux députés de chaque ville, munis de pleins pouvoirs de leurs concitoyens. Il en fut de même en 1295. À partir de cette date, par conséquent, toutes les classes de la société furent donc représentées au Parlement. C'est-à-dire que le roi eut devant lui les représentants de la nation entière pour lui faire connaître plus directement ses besoins et obtenir plus vite d'elle les moyens de les satisfaire. C'est en effet pour fortifier son autorité qu'Édouard Ier donna cette forme nouvelle au Parlement. Mais il ne prévoyait pas sans doute qu'il donnait aussi plus de force à l'opposition parlementaire. La Grande Charte, confirmée et complétée. Pour le moment, ce qui importait aux grands et au peuple, ce n'était pas la forme dans laquelle le roi pourrait le mieux les forcer à s'acquitter de leurs obligations envers lui. C'était le respect de la Grande Charte. Déjà en 1279, l'archevêque de Canterbury, l'énergique, austère et savant Peckham, avait demandé dans un concile tenu à Reading que le texte de cet acte fameux fut affiché chaque année à la porte des églises cathédrales et collégiales. Au moment le plus critique de la guerre d'Écosse, Édouard, réduit presque aux abois, viola ouvertement la charte en saisissant la laine des marchands et en faisant dresser l'inventaire des trésors des églises. L'archevêque de Canterbury, Robert de Winchelsea, s'appuyant sur la bulle « Clericis laicos », refusa tout subside. Le roi mit hors la loi les membres du clergé récalcitrant. Mais quand il voulut entraîner ses vassaux dans la guerre de Flandre, ils se soulevèrent et le roi dut céder. Il confirma la Grande Charte par une déclaration en 7 articles qui la précisait sur un point essentiel, disant que le roi ne pourrait plus lever aucune taxe ni maltote sans le consentement commun de tout le royaume. Confirmatio Cartarum, le 10 octobre 1297. Après Falkirk, Édouard ne put obtenir des nouveaux subsides et des renforts qu'en jurant les chartes une seconde fois, en mars 1300. En puissant contre cette opposition parlementaire qui s'embusquait derrière tous les obstacles créés par les événements, Édouard changea de tactique. Il s'adressa directement aux marchands et leur offrit des privilèges commerciaux, carta mercatoria. S'ils s'engageaient en retour à payer régulièrement certains droits à l'importation et à l'exportation, customs, ils acceptèrent ce traitement qui les soustrayait à l'arbitraire. Et c'est par cette voie détournée que furent établis en Angleterre les droits de douane en 1303. Enfin, quand l'archevêque de Bordeaux, créature d'Édouard Ier, fut élu pape sous le nom de Clément V, le roi demanda et obtint l'absolution de tous les serments qu'il avait prêtés en 1297 et l'annulation de la Grande Charte en 1305. Le meilleur roi de l'Angleterre finissait comme le pire, tant la logique des choses les poussait dans la même voie. Se figurer Édouard Ier sous les traits d'un roi libéral serait donc un contresens historique absolu. Son éducation, les idées de son temps, les maximes qui étaient alors partout admises sur les droits et les devoirs de la royauté, la tradition du gouvernement en Angleterre. Tout le lui interdisait, mais il fut un grand roi par la noblesse de son caractère, la dignité de sa vie, la grandeur des événements auxquels il prit part, les résultats de ses guerres et de sa législation. Son plus grand malheur fut de laisser le pouvoir à un fils indigne de lui, Édouard II. Édouard II arrivait au trône en 1307, à 23 ans, mais avec les plus fâcheuses dispositions. Il était insolent, frivole et entêté. Il n'aimait que le plaisir et n'avait pas de volonté propre. Son règne fut le renversement de la politique paternelle. Indépendance de l'Écosse. Du premier coup, il perdit l'Écosse. Contre les avis de son père mourant, il ordonna de rester sur la défensive et partit bientôt, laissant son lieutenant Aymar de Valence, comte de Pembroke, à la tête d'une armée d'observation. Cette armée ne put empêcher Robert Bruce de reprendre l'une après l'autre les forteresses occupées par les Anglais. Pour sauver au moins Stirling, Édouard II réunit des troupes nombreuses, mais indisciplinées, qui furent honteusement battues à Bannockburn en 1314. Dans une autre expédition, il faillit tomber lui-même aux mains des Écossais. Alors il conclut avec eux une trêve de 13 ans qui reconnaissait implicitement l'indépendance de l'Écosse en 1323. L'année suivante, il perdit encore la Guyenne, confisquée pour refus d'hommage. Le règne des favoris, Gabaston et les dépensiers. À l'intérieur, Édouard II laissa le pouvoir à ses favoris. Le premier et le plus aimé fut Pierre de Gabaston, béarnais d'origine, courtisan adroit, brave, avide et insolent. Édouard Ier, voyant la détestable influence qu'il exerçait sur l'esprit de son fils, l'avait banni de la cour. Édouard II s'empressa de le rappeler, le nomma comte de Cornouailles et lui abandonna le gouvernement. Les plus puissants seigneurs et à leur tête Thomas de Lancastre, cousin germain du roi, se coalisèrent contre lui en 1308. Puis ils firent promulguer les ordonnances de 1311, renouveler des provisions d'Oxford qui mettaient tout le pouvoir entre leurs mains. Édouard ne put supporter les articles qui étaient dirigés contre son favori et il les révoqua tous. Alors l'archevêque Winchelsea excommunia Gabaston, les grands, ou comme ils s'appelaient déjà, les lords. Pairs d'Angleterre, se lancèrent à sa poursuite, le prirent dans Scarborough et lui firent trancher la tête, presque sans forme de procès, en 1312. Les ordonnances furent alors remises en vigueur. Thomas de Lancastre, placé à la tête du Conseil royal, qu'elles avaient institué, une amnistie générale proclamée et la paix rétablie. Par malheur, Lancastre n'était pas un homme d'État. Hautain, égoïste et méchant, il ne sut que se créer des ennemis. Parmi ceux-ci, un des plus dangereux fut Hugues des Pensées, fils du justicier qui avait été tué à la bataille de Vechin, auprès de Simon de Montfort. Il était ambitieux et avide. Son fils, Hugues le Jeune, ne l'était pas moins. Ils saisirent habilement l'un et l'autre le moment où la popularité de Lancastre parut décliner, pour revendiquer les droits du Parlement, que la haute noblesse affectait maintenant de mépriser. Ils formèrent ainsi un parti composé surtout des ennemis personnels du comte. Le roi en prit la tête. Thomas osa pourtant se soulever. Il fut vaincu près de Boroughbridge, Bridge, pris le 17 mars 1322, condamné à mort et décapité le 22 mars. La haine du peuple contre le roi et les dépensiers était si tenace que malgré l'indignité personnelle de la victime, sa mort fut honorée comme un martyr. Cette victoire permit à Édouard II de revoquer à nouveau les ordonnances de 1311 et de tirer vengeance de ses adversaires. Pendant 4 ans, les dépensiers furent maintenus au pouvoir. Ils n'en profitèrent d'ailleurs que pour s'enrichir, insoucieux de l'orage qui se préparait sur le continent. Déposition d'Édouard II. La cour de France était remplie d'émigrés et favorisait leurs intrigues. Un des plus ardents était Roger Mortimer, sire de Wigmore, qui avait failli perdre la vie dans le soulèvement de 1322. Ils gagnèrent à leur cause la reine elle-même, Isabelle, fille de Philippe le Bel, qui était en France en 1325. Elle fit venir auprès d'elle son jeune fils Édouard, puis jeta le masque. Son frère Charles le Bel, ayant hésité à la seconder, elle demanda de l'argent aux banquiers italiens, des vaisseaux et des hommes au comte de Hainaut, et débarqua le 24 septembre 1326 sur la côte de Suffolk. Elle déclara qu'elle venait venger la mort de Thomas de Lancastre et punir les favoris du roi. Elle n'eut qu'à paraître pour que tout cédât devant elle. Le roi, qui s'était enfui en Galles, fut pris le 16 novembre avec Hugues Dépensé le Vieux, que fut pendu et écartelé le 24 novembre. Son fils fut mis à mort un mois après. En parlement assemblé à Westminster le 7 janvier 1327, força le roi d'avouer qu'il n'était pas digne de la couronne et le déposa le 20 janvier. Édouard II fut enfermé au château de Berkeley, où il mourut peu après mystérieusement. Rares furent les gens qui le plaignirent, car sa mort seule mérita quelque compassion. D'ailleurs, dans cette guerre civile, les vainqueurs ne valaient pas mieux que les vaincus, et l'on ne pouvait présager, en voyant la reine Isabelle et Mortimer, gouvernés par la terreur et vivre dans la luxure, qu'ils inauguraient un des règnes les plus glorieux de l'histoire anglaise. Fin de la section 30.